Bonjour, bonjour à tous les camarades. Je vous présente, je suis le secrétaire du syndicat des notaires du port d'Ormont, CGT. Donc aujourd'hui, je veux quand même que vous sachiez que les 72 heures que Fabrice a annoncées, oui, elles seront tenues. Oui, il y aura des actions, mais les actions, il faut qu'elles soient menées par tous. À un moment donné, si on veut y arriver, il faut que tout le monde bloque. Le blocage, on peut. Il y en a, ils disent, ah, c'est pas bon, c'est pas bien. À un moment, il va falloir y aller tous. C'est-à-dire que quand on a du temps disponible, on se met tous en action et on va bloquer tout partout. Parce que c'est le seul moyen qu'on aura pour le faire reculer, Macron. Vous comprenez les gants. À un moment donné, il n'y a pas que la grève, il y a l'action qui va avec. La grève, on peut tenir 72, on peut tenir 96, on peut tenir tout, mais il y a l'action qui va derrière, elle est importante. La manif, c'est bien, mais l'action, c'est encore mieux. Et on va être obligé d'y aller. Si on veut gagner, si on ne gagne pas maintenant, si on ne gagne pas celle-là, là. La prochaine, c'est la sécurité sociale. Et on le sait tous. Donc à un moment donné, notre sécurité sociale, c'est déjà grillé. Donc il faut y aller. Pour y aller, c'est tout. Et la grève. La grève avec l'action. Et tous ensemble. C'est tout. Moi, je voulais vous dire ça parce qu'il va falloir qu'on y aille.